بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم ما بعد. فسندخل دوزيام أسيز إن شاء الله دون cette noble رسالة لسون إمينون الشيخ ربيع حفظه الله تعالى l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha du Cheikh Ibrahim al-Ruhaili. يقول الشيخ، قال الدكتور إبراهيم في الصفحة 9 إلى الصفحة 10: فهذه نصيحة للشباب من أهل السنة والجماعة أوجب تحريرها الإسهام في النصح للمسلمين والصلح بين أهل السنة على ما جاءت النصوص بالترغيب في ذلك. اللي Il cite les paroles du Cheikh, du docteur Ibrahim Ruhaili, dans la page 9 à la page 10 dans sa nasiha. Et Cheikh Ibrahim de dire, ça c'est un conseil pour les jeunes, parmi les jeunes de la Sunna, pour les jeunes de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Il est devenu obligatoire de l'écrire pour contribuer au fait de conseiller aux musulmans et pour remédier aux lacunes qu'il y a et réformer et réconcilier entre les gens de la Sunna, comme le demandent les textes qui nous incitent dans ce sens-là de faire la réconciliation et l'union et à amener le bien entre les musulmans. يقول والباعث عليها ما يعيش الكثير من الشباب السلفيين في كثير من البلدان الإسلامية، بل حتى في البلدان الكافرة التي تسكنها أقليات من المسلمين، من تفرق كبير بسبب الاختلاف في المسائل العلمية والمواقف العملية من بعض المخالفين، وما نتج عن ذلك من تقاطع وتهاجر بل واعتداء وبغي بين أهل السنة، حتى عظمت الفتنة واشتد خطرها فأثرت في سير الدعوة إلى السنة، بل صدت بعض الناس عن اعتناقها بعد أن أقبل الناس عليها في كثير من الأمصار والبلدان. إيه شيخ Ibrahim de continuer de dire, et ce qui a poussé à écrire cette nasiha, c'est ce que vivent beaucoup de jeunes salafis dans beaucoup de pays musulmans, même dans les pays de mécréance où il y a une minorité, où se trouvent les minorités musulmanes. Hein, cette divergence et cette division que vivent beaucoup de ces jeunes à travers le monde, à cause des divergences dans les sujets concernant la science et dans les positions à adopter vis-à-vis de celui qui est en divergence avec la voie. Et ce qu'il en résulte aussi de la coupure et du fait de se délaisser les uns les autres, et il dit, et même des fois de dépasser les limites et d'être injuste vis-à-vis des gens de la Sunna. Il a dit, la fitna est devenue énorme, il est devenu très dangereuse, il a même influencé sur l'avancée de la da'wa vers la Sunna, et il a fait détourner certaines personnes de la Sunna et du fait de se cramponner de la Sunna, alors qu'auparavant les gens accouraient vers la Sunna dans beaucoup de pays et dans beaucoup de régions. Ça c'est le premier passage à Khwal Islam que cite Cheikh Rabi ici dans les paroles de Cheikh Ruhaili. Et ce passage, en résumé, comme il est dit dans le sommaire, Cheikh Rabi nous dit de ce passage, comme il est dans le sommaire, le docteur Rouhaili s'attaque et essaye de remédier à la fitna sans faire la différence entre l'injuste et celui sur lequel a été commis l'injustice, et sans faire la différence entre le vrai et le faux. فيقول الشيخ ربيع الشيخ ربيع دير أقول أولا كان الواجب عليك أن تعرف أسباب الخلاف بين الشباب السلفي والمتسببين فيها ثم الصدع بالحق وإدانة هؤلاء المفرقين للشباب الذين ابتدعوا أصولا فاسدة للدفاع عن أهل الضلال والبدع فتنتقد أصولهم وتأصيلاتهم الفاسدة ومناهجهم ضالة ودفاعهم عن أهل البدع والضلال وحربهم لأهل السنة وتشويه منهجهم وعلمائهم. الشيخ ربيع pour commenter ce passage il a dit ce qui était obligatoire, c'est que tu dois, c'est que tu connaisses les causes de la divergence. Qu'est-ce qui a ramené la divergence entre les jeunes salafis et qui en est la cause et qui est la cause de cette divergence, et après de dire haut et fort la vérité et de traiter comme il se doit ceux qui ont divisé les jeunes, ceux qui ont innové des faux fondements et des fausses règles pour défendre les gens de l'innovation et les gens de l'égarement, et que tu dois critiquer leurs fondements et leurs règles, leurs mauvaises règles et leurs mauvaises voies, les voies de l'égarement, et le fait qu'ils défendent les gens de l'innovation et de l'égarement, de les réprimander sur la guerre qu'ils mènent contre les gens de la sunna, et comment ils défigurent la voie des gens de la sunna, et comment ils défigurent les hommes de science de la sunna. Donc il en résulte de cette première remarque de Cheikh Rabi Abdallah Ta'ala l'obligation de connaître les causes de la divergence qui est entre les salafis à travers le monde et qui en est la cause. Hada il en sort de ce premier point. يقول الشيخ ربيع كان يجب عليك أن تنص على أعيان البغاة المعتدين الذين عظمت بهم الفتنة واشتد خطرها بسبب افتعالهم لهذه الفتنة وتأجيجها بأساليبهم الماكرة وأصولهم الباطلة. Et Cheikh Rabi de dire, il était de ton devoir que tu désignes les individus injustes, qui ont grandi ces fitnas et qui ont attisé le feu de ces fitnas avec leur style, et leur dangereuse manigance et leur faux fondement. يقول التي أصلت لهدم منهج أهل السنة وإسقاط علمائهم فانخدع كثير من الناس بهذه الأساليب الماكرة والتباكي الكاذب والتأصيلات الباطلة التي غايتها رد الحق وإضلال الخلق. Il lui dit, ces fondements, ces faux fondements qui ont été instaurés pour détruire la voie des gens de la sunna et pour faire tomber les hommes de science de la sunna. Et beaucoup de gens se sont fait avoir par ce style de manigance et par ces grandes manigances et le style utilisé dans ces manigances et dans ces dangereuses stratégies. Et le fait de pleurnicher des faux pleurs et de verser des fausses larmes et d'instaurer des règles et des fondements qui sont fautes, dont le but c'est tout simplement de rejeter la vérité et d'égarer les serviteurs d'Allah. De qui il parle quand il parle de pleurnicher? Il parle ici de Ali Hassan et d'autres qui pleurnichent après avoir calomnié les mashaïchs de la sunna comme Cheikh Rabi. Ils pleurent et ils disent que Cheikh Rabi était injuste avec eux, a'oudou billah, et ainsi de suite. يقول الشيخ ربيع فعظمت بهم الفتنة وشد خطرها فكان من آثارها انحراف الكثير من أهل السنة ونفور الكثير من الناس عنها بعد إقبال الناس عليها وبالبداهة يعلم من هو الطارئ بفتنته على الدعوة السلفية الذي أحدث هذه الفتن والتفرق. الشيخ ربيع يدير في هذا الأول في هذا الثاني critique il dit avec ses faux fondements, etc., dans le but de ces fondements, c'est juste pour rejeter la vérité, hein, et égarer les gens, la fitna est devenue énorme, elle est devenue très dangereuse. Et parmi les impacts néfastes de cette fitna, c'est la déviance de beaucoup de gens parmi les gens de la sunna. Et que les gens se sauvent, beaucoup de gens se sauvent de la sunna après qu'auparavant ils accouraient vers la sunna. Il dit, et de par la nature, on sait qui est derrière cette fitna. Qui, avec sa fitna, et avec... Hein, si manigance contre la dawa salafia a créé cette fitna et cette division. Yaqulu hafidhahullah wa atala umruhu fi ta'atillah wa hadha al-bayan min uqtadayat an-nasiha idh an-nasihatu wal-bayan min ahamm ma bu'ita bihi ar-rusul alayhim as-salatu was-salam qala ta'ala 'an nabiyyi nuh عليه الصلاة والسلام أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال تعالى عن نبي هود عليه الصلاة والسلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Et Cheikh Rabi de nous montrer pourquoi ces éclaircissements. Il dit, cet éclaircissement, c'est le devoir qu'implique le conseil. Il dit, parce que le conseil et l'éclaircissement, c'est la chose la plus importante avec laquelle ont été envoyés les messagers, alayhi wa salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite les preuves. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de son prophète Nuh, dans cette traduction approximative, je vous transmets le message de mon souverain et je vous conseille. Et je suis un conseiller pour vous. Et je sais d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Et il a dit aussi de son prophète Hud alayhi salatu wassalam, dans cette traduction approximative, je vous transmets le message de mon souverain et je suis un conseiller digne de confiance pour vous. Et il a dit, hein, dans cette traduction approximative, tout messager que nous avons envoyé, nous l'avons envoyé avec la langue de son peuple pour qu'il les éclaire, pour qu'il leur donne l'éclaircissement. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide, égare qui il veut, et guide qui il veut, et il est le puissant qui fait les choses à la perfection. يقول الشيخ ربيع حفظه الله والعلماء ورثة الأنبياء في هذا النصح والبيان وغيرهما. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ ربيع, et les hommes de science, ce sont les héritiers des prophètes en ce qui concerne le conseil, l'éclaircissement et d'autres. L'amour الثالث, وإذا لم يحصل منك البيان المطلوب شرعا فأرى أنه يتعين علي القيام به نصحا للإسلام والمسلمين. Et Cheikh Rabi de dire, Hamidahullah, et puisque l'éclaircissement demandé par la législation, puisque tu n'as pas fait l'éclaircissement demandé par la législation, je vois qu'il est de mon devoir d'accomplir ce conseil pour l'islam et pour les musulmans. يقول الشيخ ربيع حفظه الله فأقول إن رؤوس هذه الفتن ومخترعيها ومؤججي نيرانها وحاملي رايتها لمعروفون عند أهل السنة النبهاء إنهم عدنان عرعور وأبو الحسن المأربي وعلي حسن الحلبي ومن دار في فلكهم وتمسك بأصولهم ومنهجهم إن هؤلاء يسيرون في حربهم لأهل السنة ودفاعهم عن أهل البدع الكبرى يسيرون على منهج محمد عبد المصري أحد كبار الماسونية وعلى منهج تلميذه جمال الدين الأفغاني جمال الدين القاسمي الذي ألف كتابين في الدفاع عن أهل البدع الكبرى من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم والكتابان هما كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة وميزان الجرح والتعديل. الشيخ ربيع دو دير جدي كل التد لفتنة ceux qui ont créé cette fitna Et ceux qui attisent le feu de cette fitna et qui portent l'étendard de cette fitna, ils sont connus des gens de la sunna et des éveillés parmi les gens de la sunna. Ce sont Adnan Al-Aroud, ou Abul Hassan Al-Ma'ribi et Ali Hassan, et ceux qui suivent leur voie et qui tournent autour d'eux, et ceux qui se cramponnent à leur fondement et à leur voie. Et ils disent cela dans leur guerre qu'ils mènent contre les gens de la Sunna, et dont leur défense aux gens des grandes innovations sont sur la voie de Mohammed Abdou, l'Égyptien, l'un des plus grands maçonnites. Ils sont sur la voie de son élève, Jamal Dil Qasimi, qui est mort en 1332 de l'Hégire. Et Jamal Dil Qasimi, il a écrit deux livres dans lesquels il défend les gens des grandes innovations, comme les Jahmites, et les Mu'tazilites, et les Khawarij et d'autres. Et les deux livres, ils s'appellent l'histoire des Jahmites et les Mu'tazila, et l'autre, il s'appelle la balance de la réfutation et de l'éloge. Pourquoi Cheikh il nous parle de Jamal Dil Qasimi dans cette réplique? Parce que dans le rad de Cheikh Ubayd Habibullah Ta'ala, tu as bien vu que le Qasimi, que Cheikh Ibrahim Ruhaili défend le Qasimi. Jamal Dil Qasimi. Et Cheikh Rabi' Habibullah Ta'ala de nous montrer les têtes de la fitna que normalement Cheikh Ibrahim Ruhaili devait désigner avec leur nom pour que les jeunes fassent attention, comme Adnan Al-Aour, Abul Hassan Al-Ma'ribi, Ali Hassan et ceux qui sont dans leur voie. Donc on comprend de là pourquoi. Donc puisque Cheikh Ibrahim Ruhaili ne l'a pas fait, et Cheikh le fait maintenant, nous montre les têtes de la fitna. Pourquoi? Parce que ils ont une grande voix. Ils disent que leur voix contient tout le monde, que les tablighs font partie des gens de la sunna, comme le dit Abul Hassan. La même chose des Ikhwan et ainsi de suite. Donc la réalité des temps de la fitna, c'est Adnan Al-Aour, Abul Hassan, Ali Hassan et ceux qui sont dans la même voie qu'eux. Et normalement, comme le dit Cheikh Rabi' au départ, Cheikh Ibrahim Ruhaili devait montrer ces gens pour que les jeunes fassent attention. Et maintenant, Cheikh Rabi' il va nous donner des exemples des livres de Jamal Dil Qasimi pour comprendre que chaque jour, ils ont des gens qui les irritent. Que la voie sur laquelle était aidé Adnan Al-Aour, Abul Hassan et Ali Hassan, ils sont devancés dans cette voie. Ils ont des aïeux dans cette voie. Ils ne citent. Awalan. وذهب يدافع في هذين الكتابين عن أهل البدع وإمتهم ويدعي للجهمية والمعتزلة بأنهم من المجتهدين لهم ما للمجتهدين. Et Cheikh de nous dire, premièrement, pour ce qui concerne Jamal Dil Qasimi, pour qu'on remette les choses dans leur contexte, qu'on comprenne de quoi il s'agit dans cette réplique, et que le mal est beaucoup plus profond. Il dit que, comme dans son livre « L'histoire du Jahmite et du Mu'tazilite », que Jamal Dil Qasimi est allé dans ces deux livres à défendre les gens de l'innovation et les imams des gens de l'innovation. Il prétend que les Jahmites et les Mu'tazilites sont des gens qui ont fait des efforts d'interprétation. Ils ont les mêmes récompenses que ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Subhanallah. Et Cheikh Ibrahim Ruhaili, il dit de cet homme que c'est, il fait partie des gens de la Sunna. يقول ثانيا وإن قل تكفير الجهمية لأهل الأثر أي أهل السنة والحديث في صلب كتابه ثم يعلق عليه في الحاشية بقوله أي لأن الظاهر على ما يفهمونه يؤدي إلى التمثيل والتشبيه بالمخلوقات وقد تقدم في فلسفة جهم شيء من التحقيق في مهن الظاهر بما يرجع الخلاف لفظيا. أي deuxièmement شيخ Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala nous dit que Jamal Dil Afghani, il a été prendre des écrits du Jahmiyyah dans laquelle ils rendent mécréants les gens du hadith, les gens de la sunna, à l'intérieur de son livre, l'histoire du Jahmite et du Mu'tazilite. Il va commenter en bas, c'est-à-dire Qasimi commente pourquoi ils ont rendu mécréants, que les Jahmites ont rendu mécréants les gens de la sunna. Regardez comment la défense du faux se fait. Il dit, parce que l'apparence, c'est-à-dire l'apparence du texte, ce qu'ils ont compris des textes, amène vers le fait de donner des ressemblants à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des similaires à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses créatures. Il a dit auparavant, je vous ai déjà parlé de la philosophie du Jahm, sur le sens de l'apparence, ce qui fait revenir que la divergence est une divergence au niveau de l'expression, tout simplement. Vous voyez comment il minimise, comment il minimise maintenant le fait que les Jahmites rendent mécréants les gens de la sunna. Comment il le minimise? Il dit que c'est une divergence au niveau de l'expression, tout simplement. Yaqul le Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, انظر كيف يعد الخلاف بين مذهب أهل الحق وبين مذهب الجهمية الكفري لفظيا ثم لا يستنكر تكفير الجهمية لأهل السنة. Et Cheikh Rabi de nous dire, médite, regarde maintenant comment il fait de la divergence entre les gens de la vérité et les gens et les jahmites, il fait que le fait que les jahmites rendent mécréants les gens de la sunna, c'est juste une différence dans les expressions. Et en plus de ça, il ne blâme pas que le fait que les jahmites rendent mécréants les gens de la sunna. La voie de mécréance sur laquelle étaient les jahmites devient tout simplement une divergence dans les expressions avec les gens de la sunna. Et en plus de ça, ils ne blâment pas le fait que les jahmites rendent mécréants les gens de la sunna. Dans ce passage, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement Cheikh Abdallah Ta'ala, il est en train de nous éclairer sur les catastrophes et les grands égarements qu'il y a dans les livres d'Al Qasimi. Pourquoi? Parce que les gens de la fitna nos contemporains, suivent sa voie, tel Ali Hassan, Yaboul Hassan, Adnan Al-Aur, et ainsi de suite. Donc c'est une citation qui a sa place pour que nos autres les novices qui ne connaissent pas les choses, etc., qu'on comprenne un petit peu, qu'on remette les pendules à l'heure. يقول الشيخ الأمر الثالث وقد علمت أن الباعث على قتله أي جهم أمر سياسي محض لأن جهما كان خطيب الحارث وقارئ كتبه في المجامع والداعي إلى رأيه وإلى الخروج معه على بني أمية وعمالهم لسوء سيرتهم وقبح أعمالهم وشدة بغيهم كما أثرناه قبل. يا هو قام encore une autre citation que le cite Cheikh Rabi ici, du livre de l'histoire du Jahmite et du Mu'tazilite de Al-Qasimi. Il dit dans ce livre, dans ce passage cité par Cheikh Rabi Abdallah Ta'ala, et tu sais, qu'est-ce qui a poussé le fait de tuer le Jahm ibn Safwan? Il dit, c'est une histoire politique, pure, purement politique. Car le Jahm était le khatib du Harith. Et celui qui lisait les livres de Harith dans les assemblées, et celui et Jahm, il appelait à l'opinion de l'Harith, et il appelait au fait de se révolter sur les gouverneurs de Banu Umayya. Pourquoi? Pour soi-disant leur mauvais comportement et le mauvais acte et la débauche et leur injustice, comme nous l'avons dit auparavant. C'est-à-dire, c'est la citation de Qasimi ici. Pour que tu comprennes ce que c'est que Qasimi, ce que c'est que le Harith, que Jahm ibn Safwan propage ses dires et ses livres, et les ses livres dans les assemblées, le Harith Hada, comme le marque Cheikh Rabi Omba, fait partie des Khawarij. Il s'est révolté contre eux, la dynastie Omeyyade. Et quand il a été vaincu lors d'une bataille, il s'est sauvé dans un pays de mécréance. Et il est resté dans ce pays de mécréance 12 ans. Et quand il y a eu la guerre entre l'armée musulmane et l'armée de ce pays mécréant, Al-Harith, il a combattu avec les mécréants contre les musulmans. Il a combattu les musulmans avec les mécréants. Et il orientait les mécréants sur le point de faille et les faiblesses des musulmans. Et après, il est revenu, il a reçu la sécurité du calife Omeyyad à cette époque. Et il est revenu dans le pays de l'islam. Et il est resté un laps de temps et il a éveillé une deuxième révolution durant laquelle était mort Jahm ibn Safwan. Voici le Harith dont Jahm était son khatib. Pour qu'on remette les pendules à la place. Et le Qasimi les cite comme des glorieux. Yaqul le Cheikh. يقول فيما ينقل عن القاسم ولا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل أن الدهرية لا يقرن بألوهية ولا نبوة وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما مجتهدا في أبواب من مسائل الصفات فكيف يستحل نبزه بالدهرية وهي أكفر الكفر il dit c'est toujours les paroles sont القاسم il dit Il n'échappe pas à tout un chacun qui a un atome de raison que les dahrites, ceux qui voient qu'il n'y aura pas de résurrection, que ce n'est que la vie que nous vivons et après c'est fini. Il dit que ces dahrites ne confirment pas la souveraineté d'Allah ni la prophétie. Et il dit Jahm était un prêcheur du livre et de la sunna. Et quelqu'un qui avait de la haine contre ceux qui dévient du livre et de la sunna. Il était quelqu'un qui faisait des efforts d'interprétation concernant certains sujets comme le sujet des attributs d'Allah. Il a dit comment il est permis de dire que c'est un dahrit, alors que dahriya, c'est le plus haut sommet de la mécréance. Ce sont toujours les paroles de Al-Qasimi. يقول ومن هنا يعلم أن لا عبرة بنبز الأمراء والملوك من يقيم عليهم سيرتهم بالألقاب السوءة والتأريخ شاهد عدل وليس القصد التحزب لجهم والدفاع عن مذهبه وآرائه كلا فأنا أبعد الناس عن التحزب والتعصب والتقليد ولكن الإنصاف يدعو أن يذكر المرء بما له وما عليه إذا أريد درس حياته ومعرفة سيرته وذلك ما توخيناه هنا Et toujours les paroles al-Qasim, ils disent, partons de là, tu sais qu'on ne peut pas prendre en considération les critiques des gouverneurs et des rois et des princes, leurs critiques qu'ils émettent contre quelqu'un qui les critique et qui les haït à cause de leur comportement et à cause de leur débauche et à cause de leur mauvais comportement et de leur injustice. Il dit car l'histoire est un témoin juste. Il dit le but ici c'est ne pas, Qasimi il dit le but ici c'est ne pas de se sectariser pour Jahm, ni de défendre la voix de Jahm, ni ses opinions. Il dit non, il dit moi je suis loin du sectarisme et du fanatisme et de l'imitation. Mais il dit, mais l'équité et la justice veut que quand on parle de quelqu'un, on dit ce qu'il a de bien et ce qu'il a de mal, si on veut étudier sa vie et connaître sa biographie. Il dit, c'est ce que nous voulons ici. Ceci est cité du livre L'Histoire du Jahmite et du Mu'tazila. Ombor, maintenant écoute la critique du Cheikh Rabi' de ce passage. Ombor il al-Qasimi. كيف يخالف النصوص النبوية في الصبر على الولاة ما داموا في دائرة الإسلام ويخالف منهج السلف في تطبيق هذه النصوص والتزامها وحثهم الأمة على التزامها Il dit maintenant le Cheikh Rabi' de nous dire maintenant regarde comment le Qasimi il est en divergence avec les textes prophétiques qui incitent et qui ordonnent le fait de patienter sur le gouverneur tant qu'ils sont musulmans Et regarde comment il est en divergence avec la voie du salaf dans l'application de ces textes. Et comment salaf, il a incité la communauté à se cramponner à ce texte qui est le fait de patienter pour les gouverneurs. Hein? Un petit peu tout ceci, il ressort des paroles. Hein? Cité ici de Qasimi quand il défend le Jahm. Et quand il parle de l'Harith, et ainsi de suite, et comment il a parlé de Banu Umayya. Donc ce n'est pas une invention de la part de Cheikh Rabi, Habidallah Ta'ala. C'est ce qui sort des textes écrits par le Qasimi lui-même. Yaqul wa ta'jab min ta'yidihi li madhhab al-khawarij alladhina dammahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hadda al-ummah 'ala qatlihim wa wasafahum bi annahum sharru al-khalq wal-khaliqa. Il dit, tu t'étonnes, comment il fait triompher la voix des Khawarij que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a blâmé. Il a incité la communauté à les combattre. Et il a décrit les Khawarij comme quoi ils sont les pires de la créature. Il te parle de qui? Il te parle du Qasimi toujours. Il dit, je m'étonne encore plus sur le fait que le Qasimi défend le Jahm ibn Safwan et de élever le Jahm ibn Safwan au degré des prêcheurs qui prêchent vers le livre et la sunna et au degré de ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Tu vois ici l'étonnement de Cheikh Rabi'. Comment le Qasimi défend le Jahm et comment il l'élève à ce degré de Mujtahid. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وانظر إلى مغالطاته الشنيعة حيث يقول وليس القصد التحزب لجهم والدفاع عن مذهبه وآرائه كلا فأنا أبعد الناس من عن التحزب والتعصب والتقليد. Il dit regarde comment il t'induit une erreur, comment c'est induction une erreur qui est blâmable, qui est très mauvaise. Quand il dit, et le but, ce n'est pas de se sectariser, de se fanatiser pour le Jahm, ni de défendre sa voix ni ses opinions. Non! Moi je suis loin, Qasimi qui dit, moi je suis loin, je suis parmi les gens qui sont loin du sectarisme et du fanatisme et de l'imitation. Et moi je te dis combien la nuit d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. C'est la même chose qu'on voit dans les écrits des disciples de Ali Hassan et de Ali Hassan et de tous les autres. C'est la même chose à l'islam. Car chaque génération qui est passée, il a des héritiers. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وانظر إليه كيف يدعي أن عمله هذا من الإنصاف أليس هذا طعنا في أئمة الإسلام الذين بدعوا جهما وكفروه وفرحوا بقتله ولم يعدوه أمرا سياسيا وهو يعد موقفهم هذا الإسلام العادل تحزبا وتعصبا وتقليدا. يقول دي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول كمو منتنو القاسمي البريتو que ce qu'il est en train de faire, il parle de bien dans le Jahm, et etc. Comment il dit que ça, c'est la justice même. Et cherche de nous dire, ceci n'est-il pas un dénigrement des imams de l'islam qui ont rendu le Jahm innovateur et tête de l'innovation, et ils l'ont rendu mécréant, et ils étaient réjouis du fait qu'il soit tué, et ils n'ont pas considéré sa mort comme un acte politique. Alors que lui, le Qasimi, il considère la position des imams de l'islam, cette position qui est juste, il la considère comme fanatique et comme sectarisme et comme imitation. Regarde comment les situations se tournent et combien la nuit d'hier, je te le répète encore, ressemble à celle d'aujourd'hui. C'est la même chose maintenant. Ali Hassan, il s'inclique avec Abou Hassan et tous les autres qui tournent dans leur sillage, ainsi que Cheikh Abdel Malik Ramadan et d'autres. C'est la même chose à l'islam. Et tu vas l'entendre. Donc dans ce passage, Cheikh Rabi, il nous montre comment les prétentions de justice du Qasimi et comment il tourne les réalités pour que la réprimande et la critique revient et le dénigrement revient sur les gens de la sunna qui ont rendu mécréant le Jahm ibn Safwan. Moi je t'ouvre une parenthèse et je te dis maintenant, dans les forums de ceux-là, hein, qui se disent, hein, salafis, etc., comme Abou Hassan et les autres, Comment? Hein? Ils sont avec Cheikh Rabi' maintenant, Hafidhahullah. Et comment ils sont avec Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali? Comment ils sont avec Cheikh Ubaid? Ils les traitent que ça, ils disent que ça c'est une nouvelle Hezbiya. Certains sont même allés loin. Leurs jeunes sont allés loin de dire que Cheikh Rabi', vous prenez Cheikh Rabi' comme un prophète. Et ces insensés, hein, ont pris cette parole directement de la bouche du Cheikh Abdelmalek Ramadani, qui défend Ali al-Halabi et la clique de Ali al-Halabi. Yaqoul le Cheikh, et nous revenons au livre d'El Cheikh, ربي حفظ الله نعوذ بالله من الهوى والمغالطات وقلب الحقائق بمدح من يستحق الذم والإهانة وذم من يستحق المدح والثناء والاحترام والتقدير. الشيخ de nous dire, nous refugions près d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous préserver des passions et du fait d'induire les gens en erreur et de renverser les réalités, hein, en faisant l'éloge de ceux qui méritent le blâme et en blâmant ceux qui méritent les éloges et le respect et l'estime. Et combien à l'islam, la nuit d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. La même chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve cet imam qui est Cheikh Rabi' Hafidhahullah ta'ala et allons sa vie dans la défense de l'islam et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Amr rabi' wa yaqulu al-qasimi fi kitabi mizan al-jarh wa al-tahdil safha 10 idha alimta hadha famadha yuqalu fi haulai al-mufassiqin. مراده بالمفسقين هنا أئمة السنة وقصده نفي الفسق عن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. إذا علمت هذا فماذا يقال في هؤلاء المفسقين؟ أجهلوا المعنى العرفي للفسق أم تجاهلوا أم اجتهدوا فأدهم اجتهادوا من قلدوا. Et cher de nous citer une autre parole de Qasim dans son livre La balance de la réfutation de l'éloge à la page 10. Il dit, si tu sais ceci, hein, qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui rendent les autres pervers, fasaqa, non, hein? Il veut dire, et ici il fait allusion à qui? Aux gens de la sunna. Pourquoi? Ah, il fait cette insinuation, comme le dit Cheikh Rabi' Hafidhahullah ta'ala en bas de la page, il dit parce que il veut repousser le fisq des innovateurs comme parmi le Jahmiyyah, le Mu'tazila et d'autres. Il dit qu'est-ce qu'on dira de ceux qui rendent fasir, hein? Est-ce que ils ont ignoré le sens du fisq ou alors ils se l'ignorent? Ou alors ils ont fait des efforts d'interprétation et leur effort d'interprétation les a amenés à ça. Ou alors ils ont imité. يقول لا غرو أنهم جهلوا وقلدوا ويا ليتهم قلدوا إماما متبوعا بل قلدوا أواخر المقلدة الجامدة المتعصبة. Il dit, il n'y a pas de doute qu'ils sont ignorants, ils ont ignoré et qu'ils ont imité. Il dit, ici ils avaient imité des imams qu'on suit, mais ils ont imité les derniers, hein, qui sont sectaires et qui stagnent et qui sont dans une stagnation. يقول ولو نظروا في تراجم الرجال وتدبروا سيرة كثير من أولئك المبدعين الأبطال لعلموا أن رميهم بالفسق يكاد أن يهتز له العرش. Il dit, toujours les paroles al-Qasimi avant que Cheikh Rabi' ne les critique, il dit, s'ils avaient regardé dans les biographies des hommes, s'ils avaient médité les biographies de beaucoup parmi ceux qui ont été rendu innovateur par les gens de la sunna, ces grands braves et ces grands héros, hein, ainsi qu'ils désignent les innovateurs, il dit que le fait de dire d'eux qu'ils sont pervers, presque le trône bouge pour ça. أعوذ بالله. يقول والكلام للقاسم خذ لك مثلا من شيوخ المعتزلة عمرو بن عبيد وانظر في ترجماته إلى زهدي وتقواه. قال الذهبي في الميزان وقد كان المنصور الخليفة العباسي الشهير يخضع لزهدي عمرو وعبادته يقول شعرا كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. Il donne des exemples. Mais regarde les exemples que le Qasim donne. Le cheikh de Mu'tazila, la grande tête des Mu'tazilites, parmi les grandes têtes, Amr ibn Ubayd. Et le Qasim, il dit, regarde son ascétisme. Regarde le fait qu'il délaisse ce bas monde. Regarde sa piété. Et il dit, Dahabi a dit dans le Mizan, c'est-à-dire l'imam Dahabi, rahimahullah, le Mansour, l'un des khalifs abbasites, qui était très connu, était ébahi devant le zuhd d'Amr ibn Ubayd et devant son adoration. Il disait même de la poésie concernant, faisant les éloges, ce khalif faisait de la poésie, faisant l'éloge de Amr ibn Ubayd. Il disait dans l'assemblée, tout le monde demande quelque chose, sauf Amr ibn Ubayd. C'est-à-dire que tout le monde, quand il rentre sur le khalif, chez le khalif, demande quelque chose, et Amr ibn Ubayd ne demande pas. وينقل مدحا آخر عن المنصور لعمر بن عبيد ويطري هذا المدح ثم يرمي أهل السنة الذين ينتقدون عمر بن عبيد وأمثال من أهل الضلال يرميهم بالعصبية والتمذهب والجمود في العصبية. Et Cheikh Rabi' de nous dire, il transcrit dans son livre d'autres éloges que faisait ce khalif al-Mansour de Amr ibn Ubayd. Où il lui fait, et en plus le Qasimi, il le couvre d'éloges aussi. Et après, il critique les gens de la Sunna. Il dénigre les gens de la Sunna qui ont critiqué Amr ibn Ubayd et les similaires de Amr ibn Ubayd parmi les gens de l'égarement. Et il les décrit comme quoi ce sont des sectaires et que ce sont des gens qui sont refermés dans leurs écoles de pensée et qu'ils sont dans la stagnation et dans le sectarisme. Ainsi il dégène les gens de la Sunna et en contrepartie il fait l'éloge de Amr ibn Ubayd qui est l'une des têtes des Mu'tazilites. يقول الشيخ ربيع وانظر ترجمة عمر بن عبيد في الميزان للذهبي لترى مغالطة القاسم الشنيعة في هذه الحوالة حيث اختطف مدح المنصور لعمر بن عبيد وأزدل الستارة على الطعون القاتلة فيه من أئمة الإسلام الذين نقل عنهم الدعبي أن عمر بن عبيد يكذب في الحديث وهما لا تعمدا وكان يكذب على الحسن. Il dit, Cheikh Rabih, de dire, regarde maintenant la biographie de Amr ibn Ubayd dans le Mizan, al-Imam Dahabi, rahimahullah, pour que tu vois comment le Qasimi, il induit en erreur. Comment sa façon, sa mauvaise façon d'induire en erreur, comment il change les choses, comment il attrape des choses, des éloges de la part du Khalif al-Mansour, pour Amr ibn Ubayd, et qu'il couvre les critiques des imams de l'islam concernant les critiques qui tuent, des imams de l'islam concernant Amr ibn Ubayd, qu'a transcrit l'imam Dahabi rahimahullah ta'ala dans son livre le Mizan. Il a transcrit d'eux beaucoup de choses, comme quoi Amr ibn Ubayd monte dans le hadith par illusion et non pas volontairement. Et il montait sur le Hassan. Et ونقل الذهبي عن العقيل بإسناد إلى سعيد بن عمير بن عامر وذكر عنده عمر بن عبيد في شيء فقال كذبا وكان من الكذابين الآثمين ولم يقل يكذب وهما. Et il a attrapé, il a ramené aussi des paroles du Dahabi, rahimahullah. Cheikh Rabi' dit que Dahabi a transcrit des choses de l'Uqayli avec sa signe de transmission qui remonte à Saïd ibn Amir, où il a parlé de Amr ibn Ubayd. Et il a dit, il ment, il a menti, était un grand menteur qui est dans le péché. Et il n'a pas dit qu'il ment par illusion. Et il rapporte aussi, « Wakana Amr yashtumu ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Et Amr hada, ibn Ubayd, il a insulté les nobles compagnons, radouanullah alayhim. Et malgré tout ça, le Qasimi le défend. وقال الذهبي قال الفلاس سمعت عبد الله بن سلمة الحضرمي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. أعوذ بالله أعوذ بالله. الذهبي دو غابورتي رحمه الله كل فلاس أدي J'ai entendu Abdullah ibn Salam al-Hadrami dire, j'ai entendu Amr ibn Ubayd dire, si venez à témoigner devant moi pour le lacet d'une sandale, si Ali radiallahu anhu et Talha et Zubayr et Uthman venez à témoigner pour un lacet de sandale, j'aurais pas pris leur témoignage. A'oudhu billahi min al-khudlan. إيه ونقل الذهبي بإسناد عن عمرو بن عبيد أنه قال لو كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة. إيه الذهبي de transmettre aussi avec sa chaîne de transmission عمرو بن عبيد il dit عمرو بن عبيد dit si تبت يدا أبي لهب, ce verset qui est descendu concernant la main d'Abu Lahab et blâmons Abu Lahab, si ce verset était inscrit dans la planche protégée, bah Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas de preuve contre ses serviteurs. A'oudhu billah. Tout ceci dans l'histoire des Jahmites et des Mu'tazila. Hein? Tout ceci dans le mizan du Dahabi rahimahullah ta'ala. يقول الشيخ وما رؤية هذا الطعن وغيره مما نقله الذهبي في الميزان تراه يمدح عمرو بن عبيد ويعده من الأبطال ويفرح بمدحه الباطل. إيدي الشيخ ربيع دو ندير et regarde, malgré qu'il voit comment عمرو بن عبيد comment القاسمي a vu les critiques de Amr ibn Ubayd concernant les nobles compagnons, comment était sur Amr ibn Ubayd, il a vu tout ça dans ce cas transcrit d'Abi dans le Mizan, et tu vois que le Qasim fait l'éloge à Amr ibn Ubayd, il le considère parmi les héros et il est content des éloges, des fausses éloges que les autres en font comme le Mansour. يقول هذا إلى جانب عقيدة الضالة التي مدحه بها القاسمي واستدل بها على تقواه كما في باقي كلامه في صفحة 10 من ميزانه. كل ذلك يدل على خطورة هذا الرجل ومنهجه المهلك. إيدي حمد الله تعالى توسوسي أكوتي الشيخ ربيع دنديق توسوسي أكوتي دولا موفيز عقيدة لا عقيدة بيقاغ مونك بعمر بنوه Amr ibn Ubayd. Et pour cette Aqida, le Qasimi lui fait l'éloge. Et il prend comme preuve le fait qu'il se montre dévoué, qu'il se montre zahid et ainsi de suite, comme il est rapporté dans ce qu'il a écrit dans la page 10 dans son Mizan. Et tout ça, cher de nous dire, tout ça te prouve le danger de cet homme et de sa voie qui amène vers la perte. C'est-à-dire le danger de cet homme qui est le Qasimi et de sa voie qui amène vers la perdition. Tu vois ici, cher, nous fait comprendre comment le Qasimi traite les gens de la Sunna et les désigne comme quoi ce sont des gens du sectarisme et des gens de l'école qui stagnent. Pour défendre Amr ibn Ubayd, qui était l'une des tocs d'El Mu'tazila, il ramène, malgré tout, les tawam qu'il avait. ويقول عن السلفية في نجد الديد لا سلفية نجد تزور القاسمي أما البلاد المنتشر فيها مذهب السلف الأثري خاصة في العقائد فهي بلاد نجد بتمامها فإنها سلفية الاعتقاد لكن يغلب عليها الجفاء والغلو. إلدي دولا سلفية صديق القاسمي الديد لا سلفية دو نجد كنت بي وبريبوجي وي propager la voie des salafs, la voie des preuves, surtout au niveau des croyances, c'est Najd. Complètement, dans le pays de Najd, c'est une salafia au niveau des croyances, mais dans laquelle il y a l'extrémisme et il y a la dureté. Regarde maintenant, quand il s'agit des salafis, regarde comment le Qasimi a décrit les salafis, comme quoi ils sont durs, comme quoi ils sont sèches, secs, comme quoi ils sont à l'extrême. Combien cette soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier? Qu'est-ce que nous entendons pas d'Abu Hassan, de Ali Hassan, de Adnan Al-Aur et d'autres, hein, qui sont sur leur voie comme Abu Ishaq et tous les autres? La même chose à l'islam. Et je crois que pour vous, l'heure de le Maghrib est arrivée. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu ilaykum. Wa jazakum Allahu khair.